L'incendie dans les zones boisées sont dévastateurs de plusieurs centaines d'hectares de forêt, surtout dans le sud de la France. Il est important de ne pas provoquer un incendie bêtement. Le conducteur, et bien sûr tous les passagers, ne doivent pas faire de gestes dangereux. Pas de mégots jetés par la fenêtre, pas de bouteilles de verre laissées à traîner, et ceci aussi bien en circulant qu'à l'arrêt pour un pique-nique ou une pause. Réponse A et C.